stesse, qu'elle s'est tombée à l'oreille de faire carrer, tagliala e mette la lente. Tu vas faire savoir nos intentions à nos amis siciliens. Dimmi. Qui garde l'œil ouvert. Et les oreilles aussi. Bien ouvertes. Son bocal, quand l'on va frémir, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti, mon mère, à flingue et je vise l'état si mal. Je rentrais le tirelire. Je vais lui prendre un maximum. Je vais toujours m'en souvenir. Je traite dans des sacs. Je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande. Ce soir, tu nous mets du champagne. Je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande. Ce soir, tu nous mets du tapin. 36 diamants aux oreilles, y'a de mon sang dans les rues et au CH. Et un jour ou l'autre, bitch, il n'y a qu'un soleil. Je voulais mourir en paix, j'envisage. Je reste en point sous Aries, Stas, 4 dans l'équipe, type. Vibron dans un jean Levi's, cross, petit vol et petit calibre, clic. Une règle sans eau, le taulier se fait marade sur la guerre pour les intérêts. Un corps va finir tout au fond d'un radin, y'a trop d'or par semaine. Comme Jacking, y'a de l'ance, aggravé le plus dur est un muet. Les joints s'en sont chic dans toute la baraque, t'as du mal à respirer. Joue la coque dans son bocal, quand l'eau va frémir. On a ramassé ta gueule, quand t'es parti vomir. À flingue et je vise l'état si mal, je remplis le tirelire. Je vais lui prendre un maximum, je vais toujours m'en souvenir. Je frite dans des sacs, je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande rien. Ce soir tu nous mets du champagne. Je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande rien. Ce soir tu nous mets du tapin. C'est moi un thé, je grandis par un redis. Je fais boxe et karaté. J'ai un six automatique. T'es un mot de tête, nous on t'évite. Sans t'honorer le paradis. Je vis tu avant Vicky. Viens contre mon squinté. Contre mon squinté. Y'a que ma mère qui m'a allaité. T'es un fils de pas easy. Je ramène sur ma vie. Darling sur ma vie. C'est un rapide, sur mes nez c'est un rapide. Je traîne dans les parages, je suis toujours en deuil. Justice persévérera, on vend des mondes à ça ira. À cause des seuls, poursuite votre gauche sur la A7. Coq basé, ouais, 0,8 pour un G. Petite salope, et à ta joue sous un petit schlass. Des cocktails jetés par des grands places. Du rhum qui s'écrase sur les plexiglas. La crise, on mélange les flammes à la tramontane. On repart en piano. Tout doux chéri, je vois rien que tu vas pas fond. Ma frappe en bagne. Je suis quasi sûr qu'ils vendent de la merde. Donc les deux yeux comme ça, ma stano. Mes potes le gay, le troll. On roule en capano. La coque dans son bocal. Quand l'on va frémir, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti vomir. Je vise l'état si mal, je remplis le tirelire. Je vais lui prendre un maximum, je vais toujours m'en souvenir. Je frite dans des sacs, je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande rien. Ce soir tu nous mets du champagne. Je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. Demande, demande rien. Ce soir tu nous mets du tapin. Serre-moi un thé, je grandis par un radis. Je fais boxe et karaté, j'ai un six automatique. T'as un mot de tête, nous on t'évite, sans t'honorer le paradis. Je vis tu avant Vicky, viens contre mon soin à la tête. T'as affronté, je vais tourner toute la nuit, les princes de la biche, en panne à la tête. Je viens ici acheter ta biche, suffit de baisser ta veste, ça sent comme un rêve. Moi je trouve doublé, je fais briller les radars. Quand les types vont fumer les patrons, quand on pourra s'asseoir sur de l'or, on pensera peut-être à la paix. La crise, on mélange les flammes à la tramontane, on repart. Chérie, je vois rien que tu vas pas fond, ma frappe en mano. J'suis quasi sûr qu'ils vendent la merde dans tous les deux yeux comme ça, ma stano. T'as rien pour son lisse, mes potes, l'oseille, le troll, on roule en capano. Coque dans son bocal, quand l'eau va frémir. On a ramassé ta gueule, quand t'es parti vomir. Un flingue et j'vise l'état si mal, j'remplis le tirelire. J'suis venu prendre un maximum, j'vais toujours m'en souvenir. Je frite dans des sacs, y'a pas revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. C'est déjà. Demande, demande rien. Ce soir tu nous mets du champagne. Mets-nous du bouteille là. Je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. Je